Le petit malade de Georges Courteline. C'est ici madame qui est un petit malade. C'est ici docteur. Entrez donc. Docteur, c'est pour mon petit garçon. Figurez-vous, ce pauvre mignon, je ne sais pas comment ça se fait. Depuis ce matin, tout le temps, il tombe. Il tombe. Tout le temps, oui, docteur. Par terre? Par terre. C'est étrange, cela. Quel âge a-t-il? 4 ans et demi. Quand le diable y serait, on tient sur ses jambes à cet âge-là. Et comment ça lui a-t-il pris? Je n'y comprends rien, je vous dis. Il était très bien hier soir et il trottait comme un lapin à travers l'appartement. Ce matin, je vais pour le lever comme j'ai l'habitude de faire. Je lui enfile ses bas, je lui passe sa culotte et je le mets sur ses jambes. Pouf! Il tombe. Un faux pas, peut-être. Attendez. Je me précipite, je le relève. Pouf! Il tombe une seconde fois. Étonné, je le relève encore. Pouf! Par terre. Et comme ça, 7 ou 8 fois de suite. Bref, docteur, je vous le répète, je ne sais pas comment ça se fait depuis ce matin, tout le temps, il tombe. Voilà qui tient du merveilleux. Je puis voir le petit malade? Sans doute. Il est superbe, cet enfant-là. Mettez-le à terre, je vous prie. Encore une fois, s'il vous plaît. Encore. C'est inouï. Dis-moi, mon petit ami, tu as du bobo quelque part? Non, monsieur. Tu n'as pas mal à la tête? Non, monsieur. Cette nuit, tu as bien dormi? Oui, monsieur. Et tu as appétit ce matin? Mangerais-tu volontiers une petite sous-soupe? Oui, monsieur. Parfaitement. C'est de la paralysie. De la para? Ah, Dieu! Hélas, oui, madame. Paralysie complète des membres inférieurs. D'ailleurs, vous allez voir vous-même que les chairs du petit malade sont frappées d'insensibilité absolue. Assamé! Hé! Sacré Dieu, madame! Qu'est-ce que vous venez me chanter avec votre paralysie? Mais, docteur? Je le crois bien, tonnerre de Dieu, qu'il ne puisse tenir sur ses pieds. Vous lui avez mis les deux jambes de la même jambe du pantalon!